boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Notre 102e pop and rock qui sera plein de noirceur, de cold wave et de black wave. Car après les amoureux de Bowie, que sont les potes de Peter Murphy, on va se promener ce soir aux côtés des groupes que vous ne connaissez peut-être pas plus que moi, de Lebanon Hadover à Boys Harsher en passant par The You. Mais tout de suite, première découverte du soir, issue de la dark wave, où quand la Suissesse Larissa rencontre le grand breton William, ça donne Lebanon Hadover. We'll be right back. De Lebanon and Hanover, c'était Gotta Dance, mais ce premier titre me donne envie de gratter plus. On va donc écouter deux morceaux supplémentaires, Send pour commencer, qu'on enchaînera avec The Last Thing, Lebanon and Hanover. Be something like happiness. As I lose out on this heart to death. Salut, on est Raskolnikov, vous écoutez Pop and Rock sur RVR. Yeah. Dead Souls de Raskolnikov. Merci à Matt pour sa petite dédicace. Du coup, je me laisse aller. On double Raskolnikov grâce à Faut pas faire chier. Albert Roche, Raskolnikov. Mais pour la scène musicale, faut bien reconnaître que Lyon n'est pas en reste, notamment grâce aux deux nanettes de Venin Carmin qui nous parfument et nous empoisonnent dans le même morceau. On écoute donc Venin Carmin. With you behind your avant de filer dans un pop and rock électronique, c'est une respiration un peu plus rock que nous prenons à l'instant avec des Anderson qui introduisent une nouvelle découverte dans pop and rock. Le groupe qui arrive s'appelle She Passed Away, le titre c'est Assimilation, pour ce groupe turc, oui, groupe turc, du rock turc, à écouter, donc tendance dark wave sauce Istanbul. Ce soir dans la musique électronique avec trois groupes. Tout d'abord le duo américain de Boy Archer, puis rendez-vous en Islande avec Kellen McLay, avant un retour en France avec deux titres de Kavinsky. mardi et tous les mercredis. There's something inside you. de la dark wave turque tout à l'heure dans Pop and Rock, c'était avec The Pastaway. Alors la question, possible de faire plus exotique, Pop and Rock ne recule devant aucun défi, puisque à présent, je vous propose The You, groupe heavy metal mongol. Accrochez-vous! En pays mongol dans Pop and Rock sur RVR pour gratter et chercher d'autres histoires aussi étranges que celles contées par The You. Mais pour le moment, on revient à des choses plus classiques pour Pop and Rock, puisqu'on retrouve le dernier album instrumental de The Beatles Band. C'est la fin de notre 102e Pop and Rock, j'espère que cette promenade musicale vous aura plu, et on termine avec un groupe que je veux vous faire écouter depuis longtemps, et ben on va le faire maintenant, A Certain Ratio, et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, bis à tous. Just one more.